Sur mon île déserte, j'y vais dès que je peux. Elle est belle, toute verte, là-bas je me sens mieux. Si le monde court à sa perte, là-bas je l'oublie un peu. Sur mon île déserte, sur mon île déserte, y a plein de fleurs et le souffle du vent fait danser les couleurs. Les petites fleurs, ça me met de bonne humeur. Ça sent meilleur que le parfum des moteurs. Sur mon île déserte, je parle avec les oiseaux. Même si j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas trop. Moi je voudrais m'envoler, partir à l'horizon. Ils doivent bien se marrer à me voir tourner en rond. Sur mon île déserte, merci.